Chapitre 10. Lutte pour avoir Gaspard. Les choses allèrent donc comme d'habitude. Gaspard passait ses journées à l'école et à étudier. Lucas travaillait à la ferme le matin et allait passer 2 heures à l'école après le dîner. Gaspard avait 15 ans. Son désir d'apprendre et d'arriver n'avait fait qu'augmenter. La gaieté de son âge l'avait déjà abandonné. À peine prenait-il part aux amusements et aux jeux de ses camarades. Silencieux et pensif, il se tenait à l'écart et se laissait aller à ses pensées ambitieuses. Bien souvent, les propositions que son père avait si nettement refusées lui revenaient à l'esprit. Cependant, il n'avait plus entendu parler du grand Allemand roux, ni du vieux monsieur Ferréor. Une nouvelle distribution de prix devait avoir lieu sous peu de jours. L'avant-veille, pendant que Gaspard aidait le maître d'école à arranger la salle et à étiqueter les livres des prix, la porte s'ouvrit et on vit apparaître la tête rouge et le long cou de M. Frolichen. « Monsieur Frolichen, eh bien, mon cher ami, affez-vous, réfléchis à mes œuvres. Voici le moment de vous décider. Quelle hache vous a fait cette année ?» Gaspard, souriant, « Un an de plus que l'année dernière, monsieur. 15 ans. » M. Frolichen, « Bravo, c'est un ponache, ça. Qu'est dite votre père ?» Gaspard, « Il ne dit rien, monsieur, mais il me laisse faire. Il ne m'empêche plus de travailler. » M. Frolichen, « Monsieur le maître des Gaules, guédera faille votre jeune élève cette année. » Le maître d'école, « Beaucoup de choses, monsieur. L'arpentage, les différentes mesures, les droits et les obligations des propriétés et des propriétaires, les mathématiques et bien d'autres choses encore. » Monsieur Frolichen, « c'est bon, tout ça. Je voudrais bien vous avoir, mon jeune ami. J'ai fait voir votre père. 15 ans, mein God, c'est qu'il est bien temps. » La tête disparut. Le maître d'école se mit à rire. Le maître d'école, « Ce baragouin allemand ne me revient pas beaucoup. Si ton père accepte les offres de M. Frolichen, je n'en serai guère content. » Gaspard, « Oh, moi, ça m'est égal, pourvu que je commence. » Le maître d'école, « Il faut que tu quittes la maison et le pays pour commencer. » Gaspard, « Pas le pays si j'entre chez M. Ferréor. Quant à la maison, ça ne me fait pas grand-chose. Lucas est toujours dans les champs. Ma mère est occupée à sa ferme. Mon père dit tantôt oui, tantôt non. Un jour, il vous contrarie, vous dit des injures, vous bat. Le lendemain, sans savoir pourquoi, il vous laisse faire ce qu'il a mis en colère la veille. Lucas en sait quelque chose, tout comme moi. » Le maître d'école, « De façon que tu n'aimes et que tu ne regretteras personne, ici ?» Gaspard, « Ma foi non, pas grand-chose. » Le maître d'école, « Au fait, ce n'est pas le cœur qui t'étouffe. Du reste, Gaspard, puisque nous en sommes sur ce chapitre, voilà déjà longtemps que je t'observe. Et à te parler franchement, je ne suis pas content de toi. Personne, sans doute, n'est plus exact que toi à la classe et n'a mieux profité des enseignements que j'y ai donnés. Tu en sais beaucoup plus long que les autres. Et cependant, tu n'es pas aussi satisfait qu'eux. Tu penses trop au but que tu veux atteindre et tu oublies les moyens par lesquels tu y arriveras. Songe bien qu'il ne suffit pas de parvenir à la fortune. Il faut avant tout marcher droit à son chemin. Sois plus soumis à tes parents, pardonne-leur les torts qu'ils peuvent avoir envers toi. Sois respectueux et reconnaissant pour tes supérieurs et tous ceux qui te portent de l'intérêt. Montre-toi affectueux et bon camarade avec les enfants de ton âge. Souviens-toi surtout que l'amour de Dieu et la charité sont tes premiers devoirs. Sans cela, fusses-tu riche comme M. Ferréor, tu ne seras pas plus heureux que lui. Tu sentiras sans cesse que quelque chose te manque. Ton cœur restera sec, tu n'aimeras personne et personne ne t'aimera. Tu chercheras toujours le véritable bonheur sans le trouver jamais. Tu dois sentir que tout cela est juste. Réfléchis-y bien. » Pendant que Gaspard causait avec le maître d'école et le mécontentait par son manque de reconnaissance et d'affection pour les soins qu'il avait donnés à son éducation, M. Frolichen trottait de toute la vitesse de ses longues jambes pour causer avec le père Thomas et lui enlever son fils. Thomas était chez lui, il ne trouvait pas son compte dans un marché qu'il avait fait. Il lui manquait 10 francs qu'il ne trouvait pas. Il était donc de fort mauvaise humeur lorsque la porte s'ouvrit et que M. Frolichen se montra. « Encore ce grand Allemand !» murmura entre ses dents le père Thomas. « M. Frolichen, bien le poncho, père Thomas, je tiens vous dire que je voudrais bien avoir votre garçon. » Le père Thomas, « Je vous l'ai déjà refusé 2 fois, monsieur. Laissez-moi mes garçons, cela ne vous regarde pas. » Monsieur Frolichen, « Mais, mon bon père Thomas, votre garçon a 15 ans, c'est le bon âge, ça. je vous payerai bien. Le garçon sera content. Je ne vends pas mes enfants, répondit le père Thomas d'un ton bourru. Monsieur Frolichen. Mon pantieu, faut pas vous fâcher, mon bon père Thomas. Je vous fais de mal. Je veux, au contraire, vous faire beaucoup de bien. Vous ferez ce que je ferai de votre garçon. Il sera riche comme le juif d'ici près. Le père Thomas. Nous n'avons pas de juif ici. Monsieur Frolichen. Le juif, c'est-il pour rire? C'est le petit fieu, monsieur Ferréor. Le père Thomas se mit en colère. « Monsieur Ferréor n'est pas plus juif qu'un autre. Je ne veux pas qu'un étranger vienne chez moi insulter un Français, un homme qui fait vivre tout le pays. » Monsieur Frolichen. « Allons, voyons, mon bon père Thomas, vous vous m'aidez en fureur. Ce n'est pas gentil. Qu'est-ce que je foutis? Je voudrais bien avoir votre garçon. Voilà d'où. Rien pour vous fâcher, je crois. Et je vous dis que je vous donnerai 400 francs, baron, et que si le garçon fait bien, je vous donnerai tant 250 francs, et le garçon sera habillé, nourri, planchi, etc. » Le père Thomas, ébranlé par ces conditions avantageuses, s'adoucit, et après quelques pourparlers, il dit qu'il réfléchirait, qu'il verrait M. Ferréor avant de se décider. M. Frolichen. « Diable, il ne faut pas voir ce juif! Je veux dire, ce brave homme, il vous remettra et il ne fera rien du tout. » Le père Thomas. « C'est mon affaire, ça. Je ne déciderai rien sans l'avoir vu. » Monsieur Frolichen. « Vous avez tort, vous avez tort, mon père Thomas. Moi qui voudrais bien avoir votre garçon, j'ai fait tout rondement. Mais lui, il vous endortira, vous verrez. » Le père Thomas. « Ah bien, s'il m'entortille, je saurai bien me détortiller. » « Bien le bonsoir, monsieur. J'ai une affaire pour le moment et je ne peux pas perdre mon temps à causer. » Monsieur Frolichen sortit mécontent et inquiet. Il désirait vivement avoir Gaspard. L'intelligence, la persévérance et la volonté de ce garçon devaient en faire un homme hors ligne et qui serait, en 3 ou 4 ans, très utile à sa fabrique commençante. Il voulait le souffler à monsieur Ferréor, contre lequel il osait lutter pour la fabrication des fers et des cuivres. Le père Thomas, qui était fin, vit bien le parti qu'il pouvait tirer de cette lutte. « Je donnerai Gaspard à celui qui m'en offrira le plus, » dit-il. « Les deux fabriques se valent, il y a du bon et beaucoup de mauvais. J'aimerais mieux le voir rester chez nous comme Lucas, que d'entrer dans ces fabriques qui vous rendent mauvais sujet et ces mécaniques qui vous mettent en pièces avec leurs rouages et leurs engrenages, si on y prend garde. Mais, puisqu'il le veut absolument... » La distribution se passa comme les 2 années précédentes, avec la différence qu'avant de commencer, le maître d'école annonça que l'aptitude, l'intelligence et l'application extraordinaire de Gaspard Thomas le mettaient hors du concours, et qu'en remplacement de tous les premiers prix qu'il avait mérités, il lui était adjugé un prix exceptionnel et unique, qui était le Dictionnaire des sciences et des arts de Bouillet et un beau volume de mathématiques spéciales. Tout le monde fut content, parce que les premiers prix se trouvaient gagnés par plusieurs enfants, au lieu d'être tous et tous les ans adjugés à Gaspard. Et Gaspard fut au comble de la joie des 2 beaux et excellents ouvrages qui lui seraient si utiles pour les études qu'il devait faire à l'avenir. Il y avait, comme toujours, beaucoup de monde, on applaudit la comédie, on couronna les jeunes savants, on causa. Les parents des seconds prix furent jaloux des premiers, les parents des accessites furent jaloux des seconds prix. Les derniers accessites jalousèrent les premiers. Le pauvre maître d'école qui s'était exténué toute l'année à instruire et à corriger les enfants fut blâmé par les parents et les curieux. On l'accusa de partialité, d'injustice, de méchanceté même. On alla jusqu'à lui reprocher de battre les élèves. La mère d'un dernier accessite. « N'est-ce pas, Victor, qu'il t'a battu ?»« Victor, je crois bien que j'en avais des bleus dans le dos et sur les épaules. » La mère d'un second prix. Et le pauvre André, faut voir comme il le tapait. André, je crois bien, il n'avait rien à attendre de nous. La mère d'un 6e accessite. Si j'avais eu seulement une baratée de pommes à lui donner, mon Georges aurait eu le premier prix en place d'un méchant accessite. La mère d'un 8e accessite. Et ma petite Liline, si elle lui avait apporté un carré de côtelettes, elle aurait reçu bien des prix, au lieu qu'elle n'a eu rien qu'un pauvre petit livre, de rien du tout. La tante d'un imbécile. « As-tu vu les livres du petit sacristain? En as-tu lu? Et les plus beaux ?» La mère d'un paresseux. « C'est qu'il est favorisé par le château. » La tante de l'imbécile. « Pourquoi ça? Qu'a-t-il de plus que les autres ?» La grand-mère d'un mauvais garnement. « Est-ce qu'on sait? Ils disent comme ça qu'il est poli, bien élevé, studieux, ambitieux de bien faire, comme si les nôtres n'en feraient pas autant. » Petit à petit, les groupes s'éloignèrent. Il ne resta que quelques braves gens qui se félicitaient les uns les autres des premiers et seconds prix de leurs enfants. M. Frolichen se glissa tout doucement dans le groupe du père Thomas. « M. Frolichen, mon brave père Thomas, je veux complimenter votre jeune homme et lui donner un petit souvenir de ce beau jour. » Thomas sèchement. « Merci, monsieur. Gaspard est parti avec son frère et ses camarades. » M. Frolichen. « Je regrette d'être venu trop tard. Je vous prie de lui remettre, dès ma barre, ce petit souvenir. » Il voulut glisser dans la main du père Thomas un petit paquet. « Thomas, qu'est-ce que c'est que ça ?» M. Frolichen. « C'est un porte-monnaie. Un petit souvenir avec quelque chose dedans. » Thomas, d'un air moqueur. « Donnez-le vous-même, monsieur, si vous y tenez. Quant à moi, je n'ai rien gagné à l'école, je n'ai rien à recevoir. » Le père Thomas s'éloigna en riant avec ses amis de l'air attrapé de M. Frolichen. Il fut arrêté en chemin par le premier commis de M. Ferréor. Le commis. « Bien le bonjour, mon brave père Thomas. » Il lui donne une vigoureuse poignée de main. Le commis. « Eh bien, votre garçon a joliment dépassé tous les autres. Et quelle prise honorable il a remportée !» Thomas. « Oui, oui, monsieur. Il ne s'est pas trop mal comporté. Ah, il a une bibliothèque bien montée. » Le commis. Et vous décidez-vous à le placer, à tirer parti de l'intelligence étonnante de ce garçon? Quel âge a-t-il donc? Thomas. 15 ans depuis 2 mois, monsieur. Le commis. Bon âge. Tout juste l'âge de commencer la mécanique, les mathématiques, la géométrie, etc. Thomas. Peut-être bien. Nous ne sommes pas pressés, ma femme et moi, de nous en séparer. Ma femme, surtout, tient beaucoup à ne pas le laisser partir. Et moi, vous sentez bien que je ne veux pas la chagriner. Le commis. « Et comment va-t-elle, cette bonne mère Thomas ?»« Thomas. »« Très bien, grand merci. »« Elle est partie en avant avec Lucas et Gaspard. Je vais la rejoindre. » Le commis. « Vous voudrez bien que je vous accompagne ?» Thomas. « Certainement. Vous souperez avec nous. » Le commis. « Merci. Je suis attendu chez M. Ferréor. Ses affaires marchent joliment. Bonne fabrication, les ouvriers bien payés. Les jeunes gens capables y font bien leur chemin. J'en connais qui se font une fortune magnifique. » Le père Thomas n'avait garde de répondre. Il comprenait bien que le commis de M. Ferréor voulait arriver à se faire demander une place pour Gaspard. Mais il ne voulait pas déprécier sa marchandise et il attendait. Lui, de son côté, voulut ruser. Thomas. « Voilà une autre manufacture qui vous fait rivalité. Ça marche bien, dit-on. » Le commis. « Ça ne marche pas du tout, mon cher. Comment ça marcherait-il avec ce grand Allemand à la tête ?» Thomas. « Il paraît content pourtant. » Il vous offre des 500 francs comme vous offririez des centimes. Le commis. Ah ! Il offre des 500 francs. Il est donc venu vous voir. Thomas. Certainement. Il vient quelquefois. C'est un bon homme. Le commis. Pas déjà si bon. Méfiez-vous-en. Prenez garde à cet arabe. C'est un fourbe. Il vous mettra dedans. Je sais qu'il veut avoir Gaspard, mais gardez-vous de le lui donner. Il lui ferait une vie misérable. Thomas. Pas plus qu'un autre. « Ces fabriques, c'est toujours la même chose. » Le commis. « Ne croyez pas cela. Voyez la nôtre, comme c'est tenu. C'est là que Gaspard serait heureux. » Thomas. « Je ne sais pas. Vous ne payez guère vos ouvriers. » Le commis. « Cela dépend. Les gens ordinaires ne sont pas très payés. Mais un garçon intelligent qui a de l'avenir, comme Gaspard, nous le payons bien. » Thomas. « Combien donneriez-vous à Gaspard ?» Le commis. « Mais 500 francs ?» Thomas. « Ma foi, non. » L'Allemand les offrait, j'ai refusé. Le commis. Eh bien, 600. Le donneriez-vous pour 6? Thomas. Je verrai, j'y penserai. Il faut, avant de dire oui ou non, que je voie Frolichen. Il m'a dit qu'il reviendrait. Le commis. Ne décidez rien avant de me prévenir. Thomas. Oui, oui, je vous ferai savoir ce qu'il m'aura offert. Le commis. Je compte sur votre promesse, père Thomas. Thomas. Soyez tranquille, je n'ai qu'une parole. Le commis. Sans adieu, donc, je reviendrai bientôt. Le commis sortit, le père Thomas se mit à rire. Je les tiens. Gaspard aura une bonne place, et j'en profiterai tant qu'il n'aura pas 21 ans. C'est juste. J'ai dépensé de l'argent pour l'élever, il m'a remboursé mes frais. Quant à Lucas, je le garderai à la ferme. Il vaut un homme, maintenant. C'est qu'il commence à labourer pas mal. J'en fais ce que je veux avec ça, il n'a pas de volonté. Quoi que je lui dise, il le fait. Il n'y a qu'une chose que je n'obtiens pas, c'est de travailler le dimanche. Quant à ça, j'ai beau dire et beau faire, il laissera plutôt perdre une moisson que de travailler un dimanche. Pendant qu'il se reposait en réfléchissant, les coudes sur la table, la tête dans les mains, la porte s'ouvrit et M. Frolichen entra sans bruit. Le père Thomas réfléchissait toujours. M. Frolichen s'assit, décidé à attendre le réveil de Thomas, qu'il croyait endormi. Enfin, le père Thomas se leva. « Thomas, tiens, c'est vous, M. Frolichen ? Depuis quand êtes-vous là, M. Frolichen ? Depuis quelques minutes seulement. Je venais vous dire que je voudrais bien avoir votre garçon. » Thomas, êtes-vous obstiné ? Je viens de voir M. Ferret, le premier commis de M. Ferréor. Il m'a fait de si belles offres que je pense bien lui donner Gaspard, M. Frolichen. Oh, mein Gott ! Mon bon père Thomas, je vous donnerai plus que cet homme du diable ! Foyer ! Je vous promets tout de suite 600 francs. Thomas, M. Ferréor m'en offre autant. M. Frolichen, autant ? Mein Gott ! Eh bien, j'offre 650. Je ne peux pas faire davantage. Foyez donc, 650 pour une jeune homme de 15 ans. Voyons, père Thomas, soyez raisonnable et décidez fou. Thomas, je ne me déciderai que lorsque j'aurai vu M. Ferréor ou son commis. M. Frolichen, que diable, père Thomas ! Ce chouif ne vous donnera pas tant que je donne, moi, et j'étonne trop, je vous assure. Thomas, c'est bon, monsieur, je verrai ça. M. Frolichen, quand me donnerez-vous une réponse tout à fait positive ? Thomas, oh, il n'y a pas tant de presse. Dans quelques jours, je vous ferai savoir chez le maître d'école ce que j'aurai décidé. M. Frolichen, bien le bonsoir, père Thomas. Prenez garde au chef, je ne dis que ça. M. Frolichen s'en alla, pas content. Outre qu'il tenait à finir l'éducation mécanique d'un jeune homme aussi intelligent et travailleur que Gaspard, il savait combien y tenait son rival, Ferréor. Il ne voulait pas lui donner le triomphe de l'avoir emporté sur lui. Le lendemain, le père Thomas raconta à Gaspard ce qui s'était passé entre lui et M. Frolichen. « Le commis de M. Ferréor va venir aujourd'hui, dit-il. Il va falloir se décider. À prix égal, chez lequel des deux aimes-tu mieux entrer ?» Gaspard. « Je préférerais M. Ferréor. Il est du pays, on le connaît. Je connaîtrai tous les camarades. J'aime mieux entrer chez lui, d'autant que sa fortune est faite. Celle de M. Frolichen n'est pas encore très assurée. Vous voyez bien, mon père, que j'avais raison de travailler comme je l'ai fait, même malgré vous. Et voici que je vais gagner 4 fois ce que gagne Lucas. » Thomas. « Oui, oui, tu n'as pas eu tort. Mais Lucas n'a pas eu tort non plus, car la ferme... » Il fut interrompu par l'entrée de M. Ferréor lui-même. Tous se levèrent et ôtèrent leurs chapeaux. M. Ferréor. « Père Thomas, on dit que vous hésitez à me donner votre garçon. Vous avez tort. Il a de la capacité, il aime le travail, il a envie d'arriver. Chez moi, il sera mieux que partout ailleurs, et il arrivera plus sûrement qu'ailleurs. » Thomas. « Monsieur, c'est que M. Frolichen... » M. Ferréor. « Ne me parlez pas de ce Frolichen. C'est un drôle, un animal qui ne sait rien, qui sera en prison pour dette d'ici à peu d'années. Je prends votre garçon pour 500 francs et je promets de l'augmenter dès qu'il pourra m'être utile. Je me charge de son entretien. Vous n'avez besoin de vous occuper de rien. Bien le bonsoir, père Thomas. Bonsoir à la compagnie. Toi, Gaspard, suis-moi. Je vais te présenter à mon premier commis, Ferret. » Gaspard regarda son père, qui n'osa pas le retenir, et il suivit son nouveau maître. « Tiens, lui dit M. Ferréor, voilà une pièce de 5 francs pour toi. C'est ton pourboire. Es-tu content ou fâché que je t'ai enlevé comme je l'ai fait ?» Gaspard, très content, monsieur. Mon père ne se serait jamais décidé. Monsieur lui fait peur. Il n'ose pas résister en face de monsieur. M. Ferréor, on me craint donc dans le pays ? Gaspard, ah, je crois bien, monsieur. Quand on vous attend à l'usine, monsieur, chacun est à son affaire. Pas de danger qu'on se détourne de l'ouvrage. M. Ferréor, et quand je suis absent ? Gaspard, oh monsieur, c'est tout autre chose. On travaille, mais on rit, on cause. On quitte parfois les outils, les bobines, et ça ne fait pas bien. Monsieur sait qu'il faut être tout à son affaire pour bien réussir, et que celui qui veut rire ne travaille pas comme il faut travailler. M. Ferréor, mais les contremaîtres ne surveillent donc pas ? Gaspard, si fait, monsieur, mais pas comme monsieur lui-même. Et puis, il se promène, il chasse parfois, et cela ne va pas. M. Ferréor, comment sais-tu tout cela ? Gaspard, je le vois bien quand j'y vais pour une commission. Il ne faut guère de temps, monsieur, pour observer ces choses et la manière de faire de chacun. Il a du coup d'œil et d'excellentes idées, pensa M. Ferréor. Il pourra m'être très utile. Tiens, soivrier, voici le petit Thomas que je t'amène. C'est à soigner. Il faut qu'il travaille chez Ferret, et tu lui feras faire de tout dans l'usine, qu'il soit par lui-même au courant de tout. Tu le logeras près de chez toi, et tu lui donneras ce qu'il lui faut pour son entretien. » Soivrier. « Oui, monsieur, c'est à soigner, comme dit monsieur, et à pousser. » Monsieur Ferréor. « Oui, oui, il me sera utile. Le plus tôt sera le mieux. À revoir. » Et monsieur Ferréor sortit. Gaspard resta seul avec monsieur Soivrier. Soivrier. « Voyons, mon ami, installons-nous de suite. Où sont tes effets ?» Gaspard. « Monsieur Ferréor ne m'a donné le temps de rien emporter, monsieur. Je vais aller à la ferme et rapporter le plus pressé. » Soivrier. « Non, je ne veux pas que tu y ailles. Ils te retiendront. J'y vais moi-même et je te rapporterai tes effets. Pendant que je n'y suis pas, va travailler au fil de fer à détirer. Tu feras tous les métiers l'un après l'autre. Quand on a mis soi-même la main aux mécaniques, on sait ce qu'elles peuvent faire et ce qu'un ouvrier peut faire. » Soivrier mena Gaspard au détirage des fils de fer, fit atteler la carriole et alla à la ferme Thomas.